Chapitre 5e. Deux lettres importantes, car elles apprennent à connaître un de nos principaux personnages, sortent à demi du dossier où sont contenues toutes les pièces qui ont rapport à cette affaire. Le temps les a un peu jaunies. La première est écrite sur du petit papier à lettres, sans prétention, à 10 centimes le cahier. Elle est griffonnée plutôt qu'écrite. On voit que la main qui a tracé ces caractères n'a pas de temps à perdre. On dirait un de ces grimoires que les huissiers, entre deux saisies, rédigent chez les concierges. La seconde lettre ne ressemble en rien à la première, elle est aussi aristocratique que l'autre est plébéienne. Le papier est satiné, épais, armorié. On ne marchandait ni avec les marges, ni avec les interlignes. Il n'y a pas 50 mots à la page. L'écriture est longue et lancée. Elle a un air satisfait qui réjouit le regard. Ce n'est pas de l'anglaise, ce n'est pas de la ronde, ce n'est ni trop régulier, ni trop désordonné. C'est simplement l'écriture d'un homme pour qui la correspondance a un certain charme et qui n'a pas d'autre distraction. Il doit s'habiller pour écrire et se met sans doute des manchettes comme M. de Buffon. Nous croyons devoir faire connaître au lecteur l'intéressant contenu de ces deux lettres. Le sieur Bibert, secrétaire du commissariat de police de 1er arrondissement, section des Tuileries, à Monsieur le mari de X, pair de France. Monsieur le marquis, je vous dois tout. C'est vous qui, en souvenir de quelques services rendus autrefois à votre famille par mon père, avez pris soin de mon enfance et m'avez fait élever dans un de nos meilleurs pensionnats religieux. J'aurais dû, en reconnaissant de tous vos bienfaits, suivre la carrière qui vous était agréable et entrer dans la voie que vous vous étiez plu à me tracer. Je serai aujourd'hui, grâce à votre haute protection et votre inaltérable bienveillance, vicaire dans quelques bonnes paroisses ou curé dans une petite ville bien tranquille. Mais j'avais une vocation irrésistible, que dans votre toute paternelle bonté, vous avez bien voulu combattre, et cela inutilement, je l'avoue, à ma plus grande honte. D'où vient cette vocation? Je me suis souvent interrogé à ce sujet sans parvenir à me renseigner. On comprend qu'un jeune homme se sent entraîné à peindre, à écrire, à parler. Il peut devenir orateur, écrivain, artiste et acquérir du même coup la célébrité et la fortune, mais ne désirer comme moi qu'une chose au monde, n'avoir qu'un but, s'initier aux affaires de la police. C'est au moins bizarre, je le reconnais. Tel a été cependant l'unique rêve de ma vie, et aujourd'hui que ce rêve est devenu une réalité, je suis encore forcé d'en convenir, je ne regrette aucune des carrières qu'il m'eût été facile de parcourir. J'ai beau jeter les yeux autour de moi, je ne connais pas de plus enviable. Cette vocation vient-elle tout simplement non pas d'une bizarrerie morale, comme on serait tenté de le croire, mais d'une bizarrerie physique? De même qu'on remarque chez un homme grand, fort, carré des épaules, sanguin, des dispositions à se faire soldat. De même, à mon insu, ai-je été entraîné vers la police parce que ma taille est petite et légèrement tortueuse, mon tempérament bilieux et mes yeux si mauvais que je suis obligé de porter des conserves bleues. Il y a là évidemment matière à réflexion pour des analystes, et je leur livre ma chétive mais nerveuse personne. Quoi qu'il en soit, cette vocation existe, monsieur le marquis, et ne croyez pas qu'elle s'appuie sur un sentiment honorable, qu'elle prenne sa source, par exemple, dans le désir d'être utile à mon pays, non. À vous, monsieur le marquis, qui faites, m'avez-vous dit, collection de toutes les dépravations morales, qui êtes heureux d'en rencontrer et de rire aux dépens de notre époque, je ne crains pas de l'avouer. Lorsque je fais de la police, l'intérêt des particuliers, l'intérêt du gouvernement, l'intérêt de mon pays ne me préoccupe jamais. Je travaille pour l'art et ma satisfaction personnelle. Ah, que de concurrents j'aurais dans mon métier si l'on pouvait savoir quelle jouissance on éprouve à pénétrer, ainsi que je le fais, dans la vie des autres. Songez, monsieur le marquis, que mes défectuosités physiques m'ont empêché de vivre jusqu'à ce jour pour mon propre compte, que j'ai eu 1000 désirs inassouvis, une foule de petites passions rentrées. Eh bien, je me dédommage de mon inaction forcée, de l'impuissance qui m'est infligée, en regardant vivre les autres, en vivant de leur vie. Je m'initie à leurs affaires, je partage leurs sentiments, leurs passions, je me réjouis avec eux, je souffre avec eux. En un mot, comme on dit vulgairement, j'entre dans leur peau. Puis, quelle charmante consolation le public a l'obligeance de m'apporter tous les jours à domicile. Lorsque, étendu dans le fauteuil de monsieur le commissaire de police, je me surprends à rêver aux joies du foyer domestique, à la sainteté du mariage, à l'amour conjugal, qu'hélas, je ne connaîtrai jamais. Tout à coup, un mari s'élance dans mon cabinet et me demande main forte pour surprendre sa femme en conversation criminelle dans un hôtel garni. Une autre fois, lorsque je soupire après le bonheur d'avoir des enfants, un père vient me supplier de faire enfermer son fils qui le ruine et le vole ou d'arrêter sa fille qui s'est enfuie avec un comédien. Et alors je me frotte les mains, monsieur le marquis, et je m'écris « Bibert, remercie le ciel de tes petites infirmités. Si tu étais constitué comme tout le monde, tu aurais voulu vivre comme tout le monde et il t'en cuirait. » Voilà, monsieur le marquis, les principales raisons qui font de moi un des plus bizarres employés que possède le gouvernement. Un employé qui aime sa place, qui est content de son sort, contetus sua sorte, et qui ne déchire pas à belles dents ses chefs et l'État. Cela ne s'était jamais vu, et j'espère bien qu'après ma mort, un compartiment me sera réservé dans un de nos musées, avec cette étiquette « employé satisfait », espèce perdue. Mais, Viber, me direz-vous, pourquoi ces longs discours ? Vous m'avez toujours écrit pour me demander quelque chose. C'est une justice à vous rendre. Que pouvez-vous me demander puisque vous êtes si satisfait ? Voilà, monsieur le marquis, voilà. J'y arrive par un chemin de traverse, comme il convient à la police. Oui, tout satisfait que je suis, vous l'avez deviné, mon cher protecteur, je désire quelque chose. Mais il n'est question ni de déplacement, ni d'avancement, ni de gratification. Dieu m'en garde. Il s'agit simplement de permutation. Je voudrais, pour quelque temps, passer de la police assise, si j'ose me servir de cette expression consacrée à la magistrature, je voudrais, dis-je, passer de la police assise dans la police active. Au lieu d'écouter les rapports des agents qui sont en uniforme et qui sont en bourgeois, de ceux qui portent une épée et de ceux qui ont une carte, en un mot, des agents avoués et des agents secrets, je voudrais, à mon tour, être chargé comme eux de faire des rapports. Me voyez-vous d'ici, monsieur le marquis, sortir un matin de chez moi, entièrement transformé ? J'ai changé mes conserves contre un pince-nez. Je porte l'impérial et des talons qui me grandissent de 2 pouces. À ma main droite se balance un jonc qui renferme une épée. Dans mes poches repose 1 ou 2 mandats d'amener ou d'arrêt et 1 paire de menottes. À ma boutonnière s'étale une décoration étrangère. Bleue, verte, jaune, rose, suivant mon humeur et suivant mes goûts. Car vous ne l'ignorez pas, monsieur le marquis, les agents de la police secrète, dans le but de mieux cacher leur individualité, s'empressent de se décerner une foule de distinctions honorifiques. Alors, transformé de la sorte, je me mets à la recherche des malfaiteurs qui m'ont été signalés. Je cours, je grimpe, je dégringole, je monte dans les voutures, je monte derrière, je fais 10 lieues dans tous les sens, où je reste 12 heures à la même place, les yeux braqués sur une porte cochère. Ah, quelle incomparable jouissance ! Je n'ai cependant parlé jusqu'ici que des plaisirs ordinaires, de la pâture de tous les jours, escrocs, voleurs, repris de justice, échappés de prison, malfaiteurs vulgaires. Mais il arrive qu'on peut être convié à combattre quelque terrible ennemi de la société. Alors, on s'arme en guerre, on court sus à l'ennemi, on expose sa vie, on paye de sa personne, on frappe et on est frappé. Ou bien on ruse, on louvoie. On fait assaut de stratagèmes et on sort victorieux de la lutte. Oui, monsieur le marquis, ce doit être une grande satisfaction de pouvoir se dire « C'est grâce à moi que ce misérable assassin a été découvert. C'est moi qui ai vengé la société outragée par lui. Sans moi, on serait encore exposé à ses coups. Les gendarmes et les sergents de ville m'ont prêté main forte, je le reconnais. Le juge d'instruction a été des plus habiles, l'avocat général a parlé avec plus d'éloquence que le défenseur, le président, au lieu de résumer les débats en quelques mots, a fait un nouveau réquisitoire. Les jurés n'ont pas hésité, ils ont condamné. La cour de cassation a maintenu le jugement, le pourvoi en grâce a été rejeté, le successeur des Sanson a rempli avec fermeté ses terribles fonctions. Bref, chacun a fait son devoir. Mais c'est moi qui avais tracé ce devoir, c'est moi qui ai adressé l'acte d'accusation et l'échafaud. Si je m'enflamme ainsi, monsieur le marquis, pour un assassin quelconque, pour un criminel indéterminé, pour une espèce, enfin, jugez de mon zèle lorsqu'il s'agira d'un cas particulier, d'un sujet déterminé. Ah, tenez, rien que d'y penser, mes lunettes étincellent sous les éclairs que lancent mes yeux, mon cœur bat plus vite, et ma main frémissante donne le grand coup de canif dans le fauteuil en cuir de monsieur le commissaire. C'est que je tiens une affaire superbe, une affaire qui occupe en ce moment Paris, la France, l'Europe. Je veux parler du drame de la rue de la Paix. Quoi ? Vous connaissez le meurtrier ? Vous écriez-vous, monsieur le marquis. Non, je ne le connais pas. Mais ce drame m'intéresse. Ce drame me passionne. Et quelque chose me dit que moi seul peux mettre la justice sur les traces de ce mystérieux assassin. Et dire qu'avec deux mots de vous, deux mots écrits à monsieur le préfet de police, je quitte le commissariat de la rue Saint-Honoré, on met à ma disposition toutes les ressources nécessaires, j'entre en campagne et j'en sors victorieux. Voulez-vous, mon cher protecteur, voulez-vous ? Songez qu'il s'agit non seulement de punir un grand coupable, mais de venger une femme. Une femme ! Oh, si vous la connaissiez ! La plus charmante, la plus honnête, la plus belle des femmes. Et j'ai osé la soupçonner, elle. Je ne me pardonnerai d'avoir eu une telle pensée que lorsque je pourrais m'écrier. Madame, voici le meurtrier de votre mari, je vous le livre. Daignez excuser cette longue lettre, monsieur le marquis, et me continuez votre bienveillant patronage. Réponse du marquis de X, pair de France, au sieur Vibert. Paris, ce 22 octobre 1847. Par Dieu, grand enfant, votre lettre ne me fâche pas, je m'en godis, au contraire. Vous êtes en plein dans la débâcle morale que j'avais prévue. Les immortels principes de 89, les droits de l'homme, le renversement des monarchies, ne pouvaient amener d'autres résultats. Comme tous les gens de votre génération qui ne s'appuient sur rien, qui n'ont aucune foi solide, vous êtes corrompus jusqu'à la moelle des os. Ah, je vous fais élever le plus honnêtement possible, je vous abreuve d'excellents principes, je vous destine au notariat ou à la prêtrise, et un beau jour, votre seule ambition est de vous faire agent de police. Allons, trêve de sentiments, monsieur le sous-commissaire, je vais vous dire votre fait, moi. Ce qui vous séduit dans les nouvelles fonctions que vous désirez remplir, c'est de vivre en dehors de la société, d'être en contact avec tous les vices et toutes les corruptions, de prendre les allures des gens sans aveu qu'on est chargé de surveiller, de partager leurs plaisirs et de se familiariser peu à peu avec leurs mœurs libertines. De mon temps, monsieur, ceux qui avaient du goût pour le libertinage s'y livraient franchement, à la face de tous. Cela permettait de les parquer aussitôt dans un coin de la société, de les circonscrire dans les galeries de bois du Palais-Royal ou de les jeter à la Bastille, comme on a fait pour le marquis de Sade. Mais votre génération n'a même pas le courage de ses vices. Au lieu de se laisser mettre dedans, c'est elle qui veut nous mettre dedans. Elle se pare du masque de la vertu, ou bien elle essaye, comme vous désirez l'essayer, de faire de la corruption légale. Elle en est arrivée à ne plus même désigner les personnes et les choses par leur véritable nom. N'a-t-elle pas, dernièrement, imaginé d'appeler Laurette certaines femmes que nous appelions tout simplement des filles ou des drôlesses, nous autres, qui avons bien le droit, j'imagine, d'être aussi bégueule que vous. Dieu sait quelles nouvelles appellations l'avenir réserve à ces créatures qui, ne s'entendant plus traiter comme elles le méritent, oublieront leur origine et leur turpitude et prendront peu à peu dans la société les places autrefois réservées à nos filles et à nos sœurs. Mais par Dieu, sur quelle mauvaise herbe ai-je donc marché ? Voilà que moi, je vous fais de la morale, à vous autres. Ai-je donc la prétention de vous corriger ? Je le pourrais que je ne le voudrais pas. Tout est bien qui finit bien, et vous finirez, je l'espère, par rouler de chute en chute, de dépravation en dépravation, et par être puni de vos turpitudes révolutionnaires. C'est la grâce que je vous souhaite. Quant à vous, personnellement, mon petit Vibert, je ne vous en veux pas. Vous êtes de votre siècle, voilà tout. Ce n'est pas votre faute si vos pères ont renversé nos rois, et si dans vos veines plébéiennes, il y a du vieux sang jacobin. Je vous sais même gré de votre franchise. Vous êtes moins hypocrite que les autres. Vous n'essayez pas trop de cacher vos tares. Aussi me suis-je empressé de faire ce que vous désirez. J'ai vu le préfet de police, je lui ai vanté votre zèle. Il vous attend demain, et il vous autorise à quitter votre place dans la police assise, comme vous l'appelez. Surtout, n'allez pas me remercier, je n'aime pas cela. Je ne crois ni à la reconnaissance des peuples, ni à celle des particuliers. Mais si, dans votre propre intérêt, vous désirez m'être agréable, tenez-moi au courant de cette mystérieuse affaire, et tâchez que je sois informé, avant tout le monde, des péripéties qui se présenteront. Les grands crimes ont toujours précédé les révolutions et si nous pouvions, en 1848... À propos, ne me dites-vous pas qu'une jolie femme est mêlée à ce crime de la rue de la Paix ? Raison de plus pour me tenir au courant de tout ce qui se passera. Malgré mes 76 ans, je pense encore que ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, c'est la femme. Salut, monsieur de Jérusalem. Mettez-vous en quête, tâchez de découvrir la piste. J'attends le rapport.